sur Radio Cagnes. Suis ton cœur qui insiste sur Radio Cagnes. Et oui, vous êtes toujours sur Radio Cayenne, on est toujours le 16 mars, il est 23h06 déjà, oulala. Et nous profitons de notre dernière soirée de liberté avant les 15 jours de restriction. Avant l'apocalypse. Coronavirus oblige. Et on vient vous parler de choses... Bof, j'allais dire tout aussi catastrophique. Non, je pense que c'est pire en fait. Désolée. Et oui, non. Mais on va parler de la situation des migrants-migrantes coincés entre la Turquie et la Grèce, enfin, et l'Europe en général. Je m'appuie sur des articles que j'ai lus et des reportages que j'ai écoutés, donc sur Info Migrants et sur RFI principalement. Voilà, donc c'est des infos assez, je sais pas comment dire, grand public et communément admises, mais sûrement il y a des réseaux pour trouver des choses aussi peut-être un peu plus politiques, des analyses un peu plus politiques de la situation et des infos plus précises aussi en termes de situation par rapport aux exilés, mais aussi aux attaques des fachos. Bref, voilà. Oui. Sachant que dans tout ce qui est Proche-Orient, il y a le site quaidistan.net qui est très, très, très intéressant, très complet, voilà, dans plusieurs langues. Et que je n'ai pas consulté, désolé. Voilà. Ouais. Mais n'hésitez pas hein, après à compléter aussi par mail. Donc, je vais essayer de vous résumer un peu moi ce que j'ai trouvé comme info et ce que j'ai compris. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la Turquie... Alors, là, on va refaire un point un petit peu sur ce qui se passait en Syrie. Quoi. Il y a la guerre en Syrie depuis un bon moment, ça vous le savez, depuis les printemps arabes. Depuis 2011, donc. Voilà. Et bon, il y a eu beaucoup de phases à cette guerre, etc. Mais la Turquie, là, dernièrement, du coup, ce qui se passait dans la région d'Idlib, la Turquie était alliée, donc... à l'armée syrienne libre là, enfin en gros ceux à qui se sont alliés aussi l'Occident à un moment quand ils sont intervenus quoi. Donc des rebelles contre le régime de Bachar al-Assad. Exactement. Et donc la Turquie et cette armée là se battent contre en fait les milices kurdes là. Enfin, les Kurdes, là, je ne sais plus c'est quoi leur... C'est pareil, c'est la force armée syrienne. Alors, c'est les FDS, les forces démocratiques syriennes, voilà, qui regroupent les Kurdes, les Yézidis et des Arabes aussi. Voilà, qui, eux, en fait, avaient pour habitude de se battre surtout contre l'État islamique, mais pas forcément contre Bachar al-Assad, et qui, du coup, là, se retrouvent attaqués par les Turcs parce que la Turquie, ça fait trois plombes qu'elle considère les Kurdes comme, en fait, des terroristes, qu'elle ne veut pas leur donner d'autonomie ni d'indépendance et qu'en fait les Kurdes c'est une nation sans pays pour l'instant mais qui s'étend en fait sur trois pays différents, c'est ça ? Quatre pays différents, donc la Turquie, la Syrie, l'Iran et l'Irak, ne m'abuse, voilà. Et donc du coup voilà, la Turquie fait la guerre aux Kurdes depuis déjà longtemps, elle considère sur son territoire, elle considère les organisations kurdes et particulièrement le PKK comme une organisation terroriste. L'Europe veut pas trop prendre de position par rapport à ça. L'Europe, du coup, donc, était alliée aussi à la Turquie et à l'armée des rebelles syriens contre Bachar al-Assad, mais elle veut pas accompagner la Turquie, en fait, contre les Kurdes. Voilà, elle veut pas prendre position pour soutenir la Turquie. Sachant que, juste pour expliciter, entre la Turquie et la Syrie, donc l'État turc combat le PKK... sur son territoire, oui. Mais considère que l'autonomie, y compris les Kurdes depuis 2011 sur le territoire syrien, est une arrière-garde du PKK, donc une organisation terroriste. Voilà. Et c'est en sens qu'ils ont, alors je crois depuis octobre, commencé à envahir une pente de 30 km sur 120 à la frontière turco-syrienne. Voilà, donc c'est ça la région d'Idlib aussi. Et en fait, c'est ça, c'est que la Turquie veut imposer à l'Europe de l'aider à mettre en place une, ce qu'elle appelle zone de sécurité ou un truc comme ça, donc pour combattre soi-disant le terrorisme, mais en fait le PKK et les Kurdes, quoi. Et du coup, l'Europe a refusé en fait son aide à la Turquie et plutôt elle combat pas avec la Turquie le PKK ou les Kurdes. Enfin, elle combat pas les Kurdes parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait, en fait, c'est les forces armées démocratiques, là, syriennes Les démocratiques, FDS, voilà, qui sont du coup pas que des Kurdes en plus, quoi. Non, mais quand même Mais majoritairement. Au trois quarts, quand En même. bref, du coup, l'Europe a refusé de prêter son aide à la Turquie et donc la Turquie n'est pas contente. Voilà, il faut le dire, la Turquie n'est pas contente. Et du coup, dans la région d'Idlib, où c'était en fait aussi réfugié pas mal de Syriens, Syriennes, parce que c'était une région relativement épargnée par les conflits, enfin, c'est très relatif, mais voilà. Et du coup, bah, là, en fait, il y a eu des grosses frappes de Bachar al-Assad alliés à la Russie. Donc, dans cette région-là, il y a beaucoup de gens qui ont fui. Il y avait déjà plein de gens qui étaient réfugiés d'ailleurs dans le pays, mais voilà, là, ils ont été encore obligés de fuir plus loin. Et ils se retrouvent, bah, du coup, à la porte de la Turquie. Ils se retrouvent donc à rentrer en Turquie. Ça fait une nouvelle vague d'immigration. Et donc, la Turquie, elle est subventionnée par l'Europe. Enfin, elle est en accord avec l'Europe, et subventionnée par l'Europe et par Frontex pour garder les frontières, c'est-à-dire pour empêcher les réfugiés syriens, mais pas que syriens, d'arriver jusqu'en Europe. Donc, jusqu'ici, soit elle accueille sur son territoire les réfugiés syriens, soit elle les parque dans des camps. Et en tout cas, elle veillait à fermer la frontière avec l'Europe, quoi. Donc elle empêchait tous les exilés de traverser en fait la frontière. Donc elle les retenait à sa frontière. Contre des milliards d'euros. Contre des milliards d'euros de subventions, c'est un accord qui était passé avec l'Europe. Et du coup là, bah, comme la Turquie n'est pas contente. Et sur son truc de politique avec le Kurdistan, etc. Bah, c'était un chantage, justement. Voilà. Et parce que aussi, ça fait une nouvelle vague d'immigration à contenir et que ça commence à faire trop, et bah, la Turquie, du coup, a dit à l'Europe, bah, soit là, vous m'aidez à mater, enfin, à finir cette guerre et comme ça, moi, je prends possession de cette bande de contrôle. Je sers mes intérêts, mais comme ça, les gens sont pas obligés de fuir et ça va bien. Soit vous m'aidez à accueillir de toute façon tous les réfugiés, soit j'ouvre les portes. Et du coup, ben la Turquie a ouvert les portes. Donc voilà, en fait, fin février, début mars, la Turquie a ouvert les portes de sa frontière. Donc elle a arrêté de protéger en fait de protéger la frontière avec l'Europe et elle a laisser entrer aussi les réfugiés sur son territoire. Voilà. Mais elle est allée un peu plus loin que ça, c'est-à-dire qu'elle a carrément, enfin, le régime turc a affrété des bus entiers pour amener des milliers de migrants, migrantes, jusqu'à la frontière avec la Grèce. Avec la Grèce, sachant qu'il y a aussi la frontière avec la Bulgarie qui est pas loin. Mais Donc dans le détroit du Bosphore, du coup? oui, probablement. Bah, la seule frontière terrestre, là, avec la Grèce et la Bulgarie, tu vois. Et du coup, la frontière avec la Bulgarie, je sais qu'elle a été renforcée aussi, mais on en entend beaucoup moins parler. Donc, on imagine que principalement, les bus affrétés par l'État turc sont surtout en direction de la Grèce. En tout cas, c'est surtout ça qui est rapporté. Et donc voilà, ça c'était début mars, tac tac. Et donc aujourd'hui, il y a plus de 15 000 personnes qui se sont massées en fait à la frontière avec la Grèce. La frontière grecque a été totalement renforcée, enfin même plus que renforcée. L'agence Frontex, donc ça veut dire toute Enfin, en fait, l'Union européenne, via Frontex, a débloqué des moyens supplémentaires pour renforcer les frontières, surtout à la frontière grecque. Et donc, du coup, là, en fait, les personnes qui se retrouvent donc déjà encouragées à prendre les bus, ensuite, elles se retrouvent à la frontière. Donc, en fait, la frontière là-bas, c'est le long d'un fleuve. C'est plusieurs kilomètres de frontière avec un fleuve à traverser. Du coup, ben, c'est difficile en fait pour la Grèce de surveiller tout le long de la frontière. Donc il y a plein de gens qui essayent un peu partout. Apparemment, ils sont quand même vraiment poussés par les Turcs, par les policiers turcs et l'armée, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, par les autorités turques à passer la frontière, c'est-à-dire même pousser parfois physiquement, quoi. Enfin, on les empêche des fois de faire demi-tour à certains endroits. Il y a des témoignages où les gens se font taper par les Turcs si ils essayent de rebrousser chemin. Et de l'autre côté, les Grecs les empêchent de passer, parce que l'Europe ne veut pas, en fait, laisser passer les gens, quand bien même ils fuient la guerre, et etc. Bref. Et du coup, en plus, ils ont comme le droit, enfin, la Grèce a genre le droit de refouler les gens, enfin, d'empêcher les gens de passer. Par contre, normalement, elle n'est pas censée avoir le droit de les renvoyer une fois qu'ils ont réussi à passer, sans en tout cas leur laisser la possibilité de déposer une demande d'asile. Mais c'est quand même ce qu'elle fait, selon plusieurs témoignages en tout cas. Donc apparemment, la police grecque à la frontière, elle utilise, enfin, elle repousse les exilés à coups de lacrymo, de canons à eau, et apparemment aussi même des tirs de sommation. Il y a même, a priori, il y aurait même au moins un mort tué par balle. Donc voilà, et en tout cas, c'est sûr qu'il y a plusieurs témoignages de tabassage. En fait, apparemment, quand les gens arrivent à passer et qu'ils se font choper par la police grecque, bah, très souvent, donc, ils se font systématiquement passer à tabac, voler leurs effets personnels, leurs thunes, et parfois même, ils sont laissés en sous-vêtements, renvoyés en sous-vêtements de l'autre côté de la frontière. Et du coup, ils sont renvoyés systématiquement. Après, il y a eu plein de rumeurs d'un côté comme de l'autre. Là, en fait, la Grèce et la Turquie se faisaient un petit peu la guéguerre aux fake news, où on ne sait pas trop, en tout cas, à diffuser des informations ou des vidéos sur l'horreur des traitements infligés aux exilés à la frontière, que d'un côté comme de l'autre, quoi. Donc, les Turcs disaient que potentiellement, là, il y avait un camp illégal qui avait été mis en place pour refouler les gens qui passaient la frontière, en toute illégalité, ce campement-là. Et puis il y a eu des vidéos aussi qui ont tourné, hein, où on voit les gardes-côtes grecs sur le. Alors là, parce que là on parlait du passage par la terre, mais il y a aussi du passage par la mer, hein, mais ça fait longtemps. Mais bah, là, il est intensifié avec l'ouverture de la frontière, quoi. Et du coup, la Grèce, bah, les gardes-côtes grecs qui essayent de couler des navires, en fait, des embarcations de fortune, plus que des navires d'ailleurs, d'exilés qui arrivent vers les côtes. Et que, voilà, il y a des vidéos où on les voit tirer sur les bateaux pour crever les pneumatiques des bateaux. Et du coup, on va parler ensuite de ce qui se passe plutôt dans la mer et du côté de Lesbos. Mais voilà, donc voilà, les exilés qui sont utilisés comme moyen de pression et de chantage et une espèce de monnaie de négociation avec l'Europe par la Turquie, et des exilés qui se retrouvent maltraités et par les Grecs et par les Turcs. Voilà. Sachant que ça révèle quand même un truc facile à démontrer, quoi, qu'en fait les frontières en Europe elles existent vraiment bien, quoi. Enfin, il n'y a pas de submersion migratoire organisée ni quoi que ce soit. Enfin, Voilà. c'est bien toujours la frontière, la forteresse Europe. Ouais. Et un truc que j'ai oublié de dire aussi, c'est que la Turquie, c'est un des pays donc qui accueille le plus d'exilés. C'est-à-dire que là, il y avait quand même plus de 4 millions de réfugiés. Sachant que c'est pas que des Syriens, Non, c'est pas que des Syriens. beaucoup de gens qui viennent d'Afrique aussi. Et là, on va entendre en fait un bout. Alors, je vous recommande en fait les reportages que j'ai trouvés sur RFI sont assez intéressants, assez chouettes. Et du coup, là, on va entendre un extrait d'un des reportages qui parle, bah, du coup, de cette situation à la frontière entre la Turquie et la Grèce. Et c'est beaucoup des témoignages bah, des personnes sur place. Ça dure 5 minutes. Partout, le long de la frontière, les mêmes échecs, les mêmes espoirs. Et les mêmes récits de réfugiés qui décrivent un exode aux marches de l'Europe, certes rêvé depuis longtemps, mais entièrement organisé, téléguidé par la Turquie. Salim a à peine 19 ans. Depuis des jours, il fait le siège du poste frontière de Pazarkoulé, après avoir tenté en vain de traverser le fleuve. Originaire du Kazakhstan, il affirme, comme beaucoup, que les gendarmes turcs l'ont poussé à franchir l'Evros au vu et au su des militaires grecs. Bizarre, là. Belediye arabası geldi. Binin dedi. Un quart de l'État est venu nous chercher et on nous a dit montez, les frontières sont ouvertes. Alors on est monté, mais on n'a pas pu passer. Ils nous ont emmenés à un autre endroit près du village d'El Chili. Cette fois, c'était en minibus et toujours gratuitement. Sur place, on nous a dit qu'il y avait des bateaux et qu'on allait passer en Grèce par le fleuve. À ce moment-là, les gendarmes turcs ont commencé à nous frapper en criant « Allez-y, traversez !» Mais en face, les soldats grecs nous criaient de ne pas venir. On est resté coincés là-bas pendant 2 jours, sans rien manger. À un autre endroit, certains avaient réussi à passer en Grèce. Mais 1 heure plus tard, ils ont été renvoyés avec des traces de coups sur les jambes. L'un d'eux avait même 2 dents cassées. L'autre n'arrivait plus à marcher. Et personne ne l'a aidé. Même pas les gendarmes turcs. 30 km plus loin, près du village de Doiran, quelques 200 personnes sont installées dans l'herbe au pied d'un gros silo à grains. En contrebas, le fleuve. Fouad, un Syrien de 18 ans, contemple les bois grecs juste en face. En haut d'un mirador, un soldat guette les eaux tranquilles. C'est très proche, mais c'est si difficile à atteindre. Il n'y a que 10 mètres à parcourir, mais ça n'a rien de simple. Fouad arrive de Konya, au centre de l'Anatolie. Il a mis ses économies, 3000 livres, 430 euros, dans ce voyage vers la frontière. Je suis venu parce que j'ai entendu dire que certains arrivaient à passer le fleuve. Un chauffeur de car est arrivé, nous a descendu à Edirne en disant « Descendez ici, vous passerez immédiatement, c'est sûr ». Mais les soldats grecs tirent en l'air, ils crient « N'approchez pas, n'approchez pas ». Les cendres des feux de la nuit tourbillonnent au vent. Vêtus d'une courte veste noire, Fouad et tous ceux qui attendent ici sont un peu comme ces cendres, ballottés le long de la frontière, coincés entre les Turcs qui les poussent d'un côté et les Grecs qui les repoussent de l'autre, sans savoir où aller, que faire, qui croire. Pour Mohamed Emir, un autre Afghan, le fleuve Evros n'a mené nulle part, sauf aux rives du découragement. Sous une tente de fortune, sa femme Ruya sommeille. Elle est enceinte de 9 mois et peut accoucher d'un moment à l'autre. Son fils de 10 ans, sa fille de 2 ans et demi, jouent avec des petits bouts de bois trop petits pour le feu. La nuit dernière, Mohamed Emir a essayé seul de franchir le fleuve, juste pour voir si c'était possible. Il en tremble encore. On n'est pas nombreux par ici, mais dès que le Grec nous attrape, ils nous punissent. Ils m'ont pris tout mon argent, mon téléphone, ils m'ont battu. J'en ai même vu un revenir sans ses vêtements. À 1h du matin, nous étions 400 à être renvoyés en Turquie par la frontière terrestre. Pour retrouver ma famille, j'ai dû marcher 30 km en pleine nuit. Aux abords du poste frontière, une file de taxis jaunes attend les plus découragés, ceux qui rebroussent chemin, ceux qui ont les moyens de rebrousser chemin. Ce n'est pas le cas de Salim, le jeune Kazakh de 19 ans, qui contient sa colère sous son sweat à capuche. On nous a trompés, j'ai cru que la frontière était vraiment ouverte. J'ai tout abandonné, mon logement, un travail, mais en fait, il n'y a rien. Ça fait 3 jours que je n'ai rien mangé et que je n'ai rien à faire. Je n'ai plus d'argent, et comme je n'ai plus d'argent, je ne peux même pas rentrer chez moi à Istanbul. C'était une erreur de venir. Je regrette de l'avoir fait. Tout ce que j'ai reçu en venant ici, c'est du gaz lacrymogène qui m'a fait m'évanouir, et des coups des gendarmes. Salim est amer. Sur son téléphone portable, il reçoit sans cesse les appels d'amis ou de connaissances qui lui demandent où aller, comment faire pour passer de l'autre côté. À tous, il répond la même chose. Je leur dis de ne pas venir parce qu'ici, d'un côté, les Turcs nous utilisent et les Grecs, en face, nous utilisent également. Tout le monde profite de nous. Les chauffeurs de bus, de taxi, la police, même les vendeurs de cigarettes profitent de nous. J'ai envie de dire à ces pays, soit vous ouvrez la porte pour qu'on entre, soit vous arrêtez de vous servir de nous. Ce qu'ils font, c'est du trafic et de la politique. La Turquie, la Grèce, l'Union européenne, chacun pense à ses intérêts et nous, nous brûlons ici. Donc voilà, on vient d'écouter un extrait d'un reportage diffusé sur RFI, voilà, qui dans lequel on a entendu des témoignages de personnes migrantes qui sont coincées à la frontière entre la Turquie et la Grèce. Du coup, on va continuer à parler de ça et on va parler un peu plus de la voie par la mer, parce que du coup, donc là, on parlait surtout de la frontière terrestre, mais aussi il y a beaucoup de personnes qui essayent de passer par la mer, donc par les îles entre la Turquie et la Grèce. Et une des îles, c'est Lesbos, une de celles dont on entend le plus parler. Du coup, Lesbos, donc c'est une des îles où il y a le plus de migrants qui arrivent. En Grèce, enfin une des plus grosses portes d'entrée, et du coup sur cette île il y a un camp de réfugiés qui est tristement célèbre, qui s'appelle le camp de la Moria. Donc c'est un camp qui à la base a été construit pour accueillir entre 2 et 3 000 personnes et qui maintenant compte plus de 19 000 personnes. Donc autant vous dire que les conditions là-bas sont terribles, que ben voilà, en fait il y a juste pas assez à manger et pas assez de structures sanitaires pour tout le monde, donc c'est compliqué la vie là-bas, et qu'il y a des personnes qui attendent là-bas depuis déjà des années pour certaines, donc c'est vraiment très compliqué. Donc depuis que la frontière a été ouverte entre guillemets hein, par la Turquie, donc il y a des témoignages aussi de personnes qui disent qu'elles ont été poussées aussi à aller sur des embarcations pour faire le passage par la mer. Donc ils sont encouragés très fortement, on va dire, hein, si ce n'est plus par les Turcs en fait à prendre la voie de la mer. Donc est une voie quand même dangereuse, hein, comme on l'a toujours dit. Donc là, le problème aussi de la militarisation côté grec, voire bulgare, en fait, c'est que ça empêche pas spécialement, enfin, ça empêche les gens de passer, mais en fait, ce qui se passe souvent, c'est que les gens, ils vont quand même réussir à passer, mais ils vont emprunter des voies plus difficiles, plus dangereuses pour elles et eux. Et donc, il va y avoir juste plus de morts que si on les avait laissés passer, quoi. Voilà, du coup, bon, bah, Lesbos, c'est un peu le cas. Donc, il y a eu effectivement, comme je disais tout à l'heure, ces vidéos qui montrent les gardes côtes grecques qui essayent de couler les embarcations. Mais en vrai, je pense qu'on a un peu la même du côté turc, qui force les gens à aller prendre la mer aussi, ou quoi, enfin bref. Donc c'est pas la joie pour les personnes qui prennent cette voie. Il y a quelques jours, ou peut-être une semaine maintenant, je sais pas, il y a un enfant qui a été retrouvé noyé sur une plage à Lesbos, donc voilà, qui est mort suite à un naufrage d'une embarcation au large de Lesbos, sachant que, voilà, au large de Lesbos, ils essayent de repousser les embarcations des exilés, mais ça veut dire quoi, en fait, d'essayer de repousser des gens dans la mer, quoi, en fait, ça veut dire juste, ben, je sais pas, les laisser se noyer, quoi, en fait, c'est ça qui est en train de se passer. Bon, c'est pas tout nouveau, quoi, mais là, disons que la situation est encore pire à cause de ce nouvel afflux. Du coup, voilà, les gardes de témoignage comme quoi les gardes-côtes sont violents et comme quoi, du coup, il y a des tirs à balles réelles sur les bateaux. Et donc, pour vous donner une idée, rien que début mars, en 4 jours, il y avait plus de 1700 personnes qui sont arrivées sur les îles grecques, dont l'île de Lesbos. Mais potentiellement, c'est encore plus ces derniers temps. Enfin, voilà. Du coup, pour faire face à l'afflux, donc sur l'île de Lesbos, on parlait du camp de la Moria avec plus de 19 000 personnes qui vivent dans des conditions terribles. Du coup, les gens n'en peuvent plus. Il y a eu aussi un gros incendie cet été, je crois, ou à l'automne, qui a fait au moins une personne brûlée vive. Il y a des bagarres et des blessés, du coup, tous les jours. Enfin, bon, c'est quelque chose là-bas. Et donc, du coup, pour ne rien arranger, il y a un premier cas de coronavirus qui vient d'être détecté sur l'île de Lesbos. Donc, bah, il y a une grosse crainte de contamination au niveau du camp, parce que là, 19 000 personnes entassées les unes sur les autres, quand ça va arriver dans le campement, c'est sûr que ça va se répandre très vite et que ça risque de faire beaucoup de morts, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà dans des situations vulnérables dans ce camp. Il y a des personnes âgées, il y a des personnes malades qui ont déjà du mal à être pris en charge et qui vivent dans des conditions difficiles. Donc quand le coronavirus va arriver, et il arrive, bon, ça risque d'être compliqué, sachant qu'en plus, comme je le disais un peu aussi en début d'émission, les ONG qui œuvrent dans le camp de Moria, la plupart sont dans le cadre du coronavirus, en fait, n'interviennent plus, quoi. Enfin, les bénévoles et les salariés se sont retirés, donc il n'y a presque plus personne qui travaille dans ce camp. Le HCR, quand même, le Haut Commissariat aux Réfugiés qui gère le camp, ils sont encore là. Et Médecins Sans Frontières ont encore eux, ils ont encore une structure à l'extérieur du camp, mais bon, voilà, qui continue à faire fonctionner. Mais bon, du coup, pour faire face à l'afflux donc, de personnes, la Grèce, là, elle a affrété un bateau militaire qu'elle a fait venir donc, sur un des ports là, de l'île de Lesbos pour empêcher les migrants qui viennent par bateau d'aller jusque sur l'île. Enfin, en fait, ils ont débarqué sur l'île et ils les ont, bim, parqués dans un bateau militaire, soi-disant pour les transférer ailleurs en Grèce. Pour l'instant, le bateau n'a pas bougé. Il y a plus de 500 personnes qui sont entassées dans un bateau militaire sans douche, où les gens y dorment à même le sol, dans des conditions déplorables. Ils ont à peine un repas par jour. Enfin, ils sont dans des conditions horribles. Et là, ça fait des semaines, je crois, que ça dure. Je ne sais pas comment ça va faire avec le coronavirus non plus, mais en tout cas, ce bateau, il était censé bouger. Pour l'instant, il ne bouge pas. Et du coup, malgré ce bateau rempli de 500 personnes, les 19 000 autres personnes dans le camp de la Moria, il y a encore des gens qui arrivent et qui du coup commencent à s'entasser sur les plages ou dans la campagne, au pied des oliviers ou quoi, enfin comme ils peuvent dans des camps de fortune ou quoi, et qui sont, donc s'ajoute à ça, du coup, les gens, les migrants, les exilés se font attaquer par des gros faf et des milices aussi de personnes habitant Lesbos, quoi, de locaux qui en ont marre de la situation, mais qui sont aussi des gros faf et des gros réacs qui apparemment sont pas majoritaires sur l'île, mais sont très actifs en fait. Avec l'ouverture en tout cas de la frontière, ça a réactivé leurs activités. Et du coup, c'est catastrophique parce que du coup, eux, ils bloquent des routes, ils attaquent les migrants, ils empêchent les bateaux des migrants d'accoster. Ils leur disent de retourner en Turquie, etc. Et ils essaient de les repousser. Donc ça peut donner aussi lieu. Enfin, en fait, ça peut aussi les mettre en danger et les faire chavirer. Enfin bref, voilà. Ils agressent du coup les gens, ce que je disais, et ils agressent aussi les associations et les ONG qui du coup se sont retirées pour le cause de coronavirus, mais aussi en fait à cause des agressions de fachos. Ils bloquent des routes entières. Et du coup, il y a des témoignages qui racontent là-bas, des gens d'associations qui racontent là-bas que c'est la première fois que la police laisse à ce point l'affaire, quoi, parce que c'était déjà arrivé que des FAF manifestent contre les exilés et essayent de les empêcher d'accéder aux bureaux d'enregistrement ou des choses comme ça, et qu'ils essaient de bloquer les routes. Mais d'habitude, la police intervenait au moins pour débloquer les routes, enfin, en fait, du droit élémentaire de, voilà, la liberté de circulation, machin, machin. Alors que là, la police laisse complètement faire, en fait. Et là, du coup, il y a des FAF qui ont à moitié le contrôle de cette île, qui arrivent à bloquer des accès, etc., sans que la police fasse rien, et qui agressent des associatifs, des ONG, et évidemment des exilés. Et donc, les gens du camp de la Moria qui sont là-bas, craignent, en fait, craignent beaucoup pour eux. Et ils essayent de faire des manifestations aussi, mais ils sont arrêtés et bloqués par la police. Voilà, et du coup, les nouveaux qui arrivent, ils sont empêchés de rejoindre le camp de la Moria, ils sont parqués dans ce bateau ou sur les plages. Bref, c'est un gros bazar et dans des conditions assez horribles. Et du coup, sur ce bateau militaire, il y a des personnes qui ont entamé une grève de la faim. Donc voilà. À savoir, donc, il y a des gens qui luttent et qui résistent et qui ont besoin aussi qu'on les soutienne et qu'on relaye leur lutte, quoi. Voilà. Et du coup, je crois que... Ah oui, ils agressent aussi les journalistes, j'avais oublié de dire, les fachos. Et bref, du coup, on va écouter un deuxième extrait d'un deuxième reportage de RFI où là, ça parle un peu plus de ce qui se passe donc à Lesbos. Voilà, ça dure 4 minutes. Ce matin-là, sur la route qui longe le camp de Moria, l'atmosphère est électrique. De nombreux demandeurs d'asile avaient prévu de marcher en direction de Mytilène pour dénoncer l'indignité de leurs conditions de vie, mais un cordon de policiers leur bloque le passage. L'air ambiant se gorge régulièrement d'émanations de gaz lacrymogène. À la vue du micro, nombreux sont ceux à vouloir s'exprimer et témoigner. La frustration est immense et l'abattement général se transforme régulièrement en colère. Ces parias de Moria, rejetés de plus en plus violemment par une partie de la population locale, rêvent que leur voix résonne dans toute l'Europe, loin des innombrables oliviers, devenus comme les barreaux de ce qu'ils décrivent unanimement comme une prison. À l'image de Mehdi, un jeune Afghan coincé à Moria depuis un an. La traversée de la mer pour arriver ici n'était pas aussi dangereuse que d'essayer de rejoindre des villes et des pays européens. J'ai déjà été attaqué deux fois par des Grecs. L'Union européenne était renommée pour son humanisme. S'il vous plaît, ne tuez pas cet humanisme. Tout est horrible. Nous vivons dans les pires conditions possibles. Nous avons besoin de liberté. S'il vous plaît, faites entendre nos voix au monde entier, aux Grecs, aux représentants européens, aux êtres humains. Le danger et l'insécurité nous ont poussés à venir ici, mais nous ne sommes pas inconscients. Vous devriez envoyer notre message au monde. Nous ne sommes pas stupides, nous ne sommes pas fous. Nous ne sommes pas fous. Comment peut-on être persan, afghan, syrien, congolais ? La voix de l'ancien étudiant s'éteint. Conséquence de la politique turque d'ouverture de ses frontières à destination de l'Europe, à partir du 1er mars et pour au moins un mois, la Grèce a décidé unilatéralement de ne plus traiter les demandes d'asile des nouveaux arrivants. Ceux-ci sont purement et simplement considérés comme des illégaux et arrêtés. L'objectif affiché est de les renvoyer dans leur pays. Redevenue la principale porte d'entrée vers l'Europe l'an dernier, la Grèce et les habitants de Lesbos payent notamment le prix des insuffisances de la solidarité continentale et de la pression imposée par la politique européenne des hotspots. Et ce, en plus d'une administration et d'une bureaucratie grecque, jusqu'à présent incapable de s'adapter à l'urgence de la situation pour les demandeurs d'asile comme pour les populations locales. Pour faire face à un problème complexe, le changement de vocabulaire au niveau politique et médiatique en Grèce a sans doute représenté une facilité. Alors, les demandeurs d'asile se transforment progressivement en migrants, voire en soi-disant migrants, puis tout simplement en ennemis. Alors, les plus radicaux prennent les armes et constituent des milices pour faire le sale boulot et lutter contre ce qui est quasiment considéré à présent comme une invasion barbare. Alors, nous sommes à Lesbos, en mars 2020, au port de Mytilène, où passants et journalistes regardent la police hurler sur des landaus afghans qu'il ne faut pas rester là, qu'il n'y a pas de bateau, qu'il faut retourner à Moria. On est traité comme des animaux ici. Il faut nous libérer. Nous ne sommes pas des esclaves ici. Oui, on n'est pas libres, nous sommes enfermés. On traite comme les prisonniers. C'est un prison. On ne comprend pas aussi ce que les Grecs voulaient quoi pour nous. Ici, c'est l'enfer. Alors nous voulons la libération. C'est vraiment effrayant. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on. Milices et migrants, les convulsions de l'île de Lesbos, un grand reportage en Grèce de Joël Bronner, réalisation Pierre Chaffangeon. Είσαι νεκρός και νεκρή, αυτό το ξέρω 27 χρόνια να δουλεύω και να μην βγαίνω. Τι ξέρεις τη δουλειά σου αν δεν αυτοργανωθείς? Θα είσαι ακόμα ένα γρανάζι της μηχανής. Χέσαι τους παμίτες, μεταλλαγμένοι κλίτες. Με στη δουλειά ρουφιάνοι και στον δρόμο ασφαλίτες. Ναι, καλά κατάλαβες, αυτοί είναι οι αλήτες. Οι εργατοπατέρες που μπλέκονται με τις business. Στην εργασία δεν χωράνε πατριώτες. Και οι εθνικές σημαίες είναι όλες για τις φλόγες. Να γίνουν στάχτη μαζί με τους αφέντες. Και θα έχουμε προσάναμα τις ακριβές Mercedes. Τα ξοχικά τους, τα σπίτια, τα λεφτά τους. Με το δικό μας αίμα χτίσανε τα όνειρά τους. Και στα δικά μας βράδια τίποτα δεν σας σώζει. Ούτε κάνει μπάτσι, γουρούνια δολοφόνη. Δύο κουπλέ για να φύγει ο φασισμός από τη γειτονιά και τον κόσμο μας γενικώς. Και αν θες να έχεις ελεύθερο το πνεύμα, πάρε αναπήρα και κάψε αυτό το ψέμα. διαβίω κουπλέ για να φύγει ο φασισμός από τη γειτονιά και τον κόσμο μας γενικώς. Και αν θες να έχεις ελεύθερο το πνεύμα, πάρε αναπήρα και κάψε αυτό το ψέμα. Δεύτερο κουπλέ να καθαρίσει ο φασισμός, να φύγει από τη γη και να μην μείνει ζωντανός, και να πάρει μαζί του όλα τα κατακάφια, εθνικιστικά αποβράσματα, λοιπά τσοκάνια. Να έχουμε μες στη δουλειά πανέμορφους ανθρώπους, να μην φοβάσαι να γυρνάς ελεύθερη στους δρόμους. Και τα μπαλκόνια σας γεμάτα με σκουπίδια, μια φορά το χρόνο μερικές μέρες το μήνα. Και όλα αυτά φαντασία και η πατρίδα, 9 μήνες μαλάκας και το πάνε τους προς Κίνα. Μα όλα τα έθνη ποτίζουν τα παιδιά τους με βρώμικα εθνικιστικά ιδεολογήματά τους, πάνω σε μια ανάγκη που μιλά για συνοχή κοινωνική κατά από την κρατική τους απειλή. Μα εσύ τη σημαία σου κυματίζεις ανέμενος, στην κρατική δολοφονία είσαι συνένοχος. Δύο κουπλέ για να φύγει ο φασισμός από τη γειτονιά και τον κόσμο μας γενικώς. Και αν θες να έχεις ελεύθερο το πνεύμα, πάρε αναπήρα και κάψε αυτό το ψέμα. Δύο κουπλέ για να φύγει ο φασισμός από τη γειτονιά και τον κόσμο μας γενικώς. Και αν θες να έχεις ελεύθερο το πνεύμα, πάρε αναπήρα και κάψε αυτό το ψέμα. Des frontières, on passe en multiplex nos obsessions sécuritaires. Dans l'Europe de Frontex, cynique et sans complexe, dans la xénophobie, les États sont unis. Entends-tu, citoyen, le barbare mugissement qui veut manger ton pain, ta femme et tes enfants? Aux armes patrouilleurs, refoulons les haillons. Tous à vos détecteurs, scannez-moi ces camions. Dans l'Europe de Frontex, au cimetière des frontières, on passe en multiplex nos obsessions sécuritaires. Dans l'Europe de Frontex, cynique et sans complexe, dans la xénophobie, les États sont unis. À coups de barbelés, de clôtures électriques, certains se mettent à rêver de frontières électroniques. À coups d'accords secrets signés à la va-vite, l'Europe s'est enfermée, plus qu'elle ne s'est construite. 10 années que ça dure, 25 000 morts en chemin. On vit derrière ce mur et on n'y voit plus rien. Quand nos frontières dérivent, sous-traitées aux voisins, ce qui arrive et ça nous arrange bien. Dans l'Europe de Frontex, au cimetière des frontières, on passe en multiplex nos obsessions sécuritaires. Dans l'Europe de Frontex, cynique et sans complexe, dans la xénophobie, les États sont unis. Ceux qui vendent de la guerre ont trouvé leurs ennemis. Le pauvre est une affaire car sa vie n'a pas de prix. L'article 13 des droits de l'homme, la convention de Genève, pèse pas lourd contre la com des industries du glaive. Les bateaux militaires, radars, hélicoptères, sondes à gaz carbonique et caméras thermiques, drones télécommandés, patrouilles et chiens dressés, les jolis détecteurs de battements de cœur. Dans l'Europe de Frontex, au cimetière des frontières, on passe en multiplex nos obsessions sécuritaires. Dans l'Europe de Frontex, cynique et sans complexe, dans la xénophobie, les États sont unis. seule chose est sûre, tout est monitoré. Europol, Eurosur tiennent leur base de données. Quand Frontex aura bu et qu'elle sera repue, elle tournera son canon vers de nouvelles missions. Quand l'Europe de Frontex, cynique et sans complexe, l'Europe des colonies rejoue sa tragédie. On est tous terroristes, on est tous clandestins. On est sur une des listes de cette histoire sans fin. Entends-tu, citoyen, le barbare mugissement qui veut manger ton pain, ta femme et tes enfants? Entends-tu, citoyen, le barbare mugissement qui veut manger ton pain, ta femme et tes enfants? C'est l'Europe de Frontex. L'Europe de Frontex.